depuis ta perte, je m'entête à perdre la tête. Depuis que t'es parti, je ne sais plus où je suis. Depuis que tu m'as laissé, je me perds dans le passé. Je t'aimais, alors cela m'interpelle. Il faut absolument que je te rappelle. Depuis que t'es parti, je ne sais plus où je suis. Depuis je me perds dans le passé. Yeah.